La loi de cet état-là, c'est que les gens qui font partie de cet état-là puissent mettre de l'énergie. Il faut que ces gens-là puissent mettre de l'énergie. Il faut que l'énergie puisse passer à travers leur corps. Mais pas trop. Nous autres, on appelle ça une présence intelligente et sociale. Il y a plus d'intelligence que d'émotion. Faut que ce soit des personnes trop calmes. Tu le dis. Il dit, c'est subtil. Parce que si vous réfléchissez ça, puis si vous vous interrogez ça, là, il y a des tensions. Il y a différents éthers. Il y en a sept éthers différents qui vont être composés. Le phénomène d'interrogation, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que le phénomène d'interrogation va créer dans l'homme une question. Il va l'amener à demander qui c'est qui va pas avec moi, qui c'est qui n'a pas correct. Ça ne marche pas de même. Alors, les lois de l'état mental sont des lois totalement intelligentes. Ce sont des lois totalement intelligentes, parfaitement intelligentes. Alors, notre ego ne peut pas faire. Notre ego ne peut pas réfléchir ces lois-là. Notre ego doit être capable d'absorber les conditions de ces lois-là, sans vibrer. On a tendance naturelle à vivre en fonction de notre moi. On n'a pas tendance naturelle à vivre en fonction de notre autre moi. On a tendance à vivre en fonction de notre petit moi. On demande des questions. On demande quoi? Tu n'as-tu de délice? Et non? Dis-moi donc. Non, ouais. Ouais. Les autres. Les autres, ceux que j'ai pas nommés. Marie-Soleil, Jean qui fait ici, ouais. Lise Boivin. Ah, oui. Ouais. Ça va être pas, ouais. Quel beau, hein? Ce qu'il y a d'intéressant dans ça, c'est que c'est ce mélange d'états personnels-là va créer un état particulier. Puis si on va par la logique des personnalités, on peut dire, bon, mais lui, il ne va pas dans cet état-là. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est la création d'un état avec différents ingrédients qui donne sa consistance.